frais de repas et travail habituel sur un chantier. Si un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée, conformément à son objet, pour la fraction qui n'excède pas un certain montant. Selon la Cour de cassation, les indemnités forfaitaires de repas versées à des salariés travaillant habituellement sur le chantier d'une entreprise cliente de l'employeur ne répondent pas à la qualification de frais professionnels et elles n'ouvrent donc pas droit à exonération à ce titre. Autrement dit, celui qui travaille habituellement sur un chantier n'est pas en déplacement.